La fuite, c'est le nom d'une pièce de théâtre de l'écrivain russe Mikhaïl Bulgakov, qui date de 1927 et qui fut immédiatement censurée et ne sera jouée pour la première fois que 20 ans après sa mort. Le récit déroule le destin d'une trentaine de personnages au cours de 8 songes, qui sont autant de lieux où l'action se déroule et comme autant d'étapes vers la destruction d'un monde et le basculement en dehors de l'histoire. Dans les années 60, Olga Ivanovna et Georg Ivanovitch Makiev, mes grands-parents, vivent à Lyon dans un sombre appartement plein de mauvais rêves. Premier théâtre pour moi que la chambre de ma grand-mère. Petite, alors je m'asseyais sur le parquet au seuil de sa porte, j'écoutais Olga et regardais ce qui, à la nuit tombée, se mettait à flotter de ses rêveries fantastiques, souvenirs de la guerre civile en Russie, de la perte d'un monde ancien, où elle convoquait, comme dans une fièvre, des spectres familiers et des fantômes, gens aimés et perdus, personnages fascinants et demi-fous. Ce qu'ils avaient fait l'un et l'autre, Olga et Georges, l'exact chemin de l'exil russe dans l'exacte année 2021, celle que retrace la fuite. Bien. Vous entendez ? Vous entendez, Séraphima ? Écoutez. On dirait qu'ils ont une crypte là-dessous. Oh, tout est si étrange. J'ai l'impression d'être dans un rêve, parfois, je vous jure. Des semaines que nous fuyons ensemble, vous et moi. Vous et moi. Et plus loin nous allons, et moins je comprends. Nous voilà échoués dans un monastère. Vous savez, dans ce chaos, tout à coup, j'ai envie d'être à Saint-Pétersbourg. Oh Dieu du ciel. J'ai cru voir distinctement devant moi la lampe verte de mon bureau. Rêverie dangereuse, Sergueï Pavlovitch. Ne vous laissez pas aller à la nostalgie. Dans ces temps troublés, il valait peut-être mieux pour vous de ne pas quitter Pétersbourg. Non, non, c'est irréversible. À la grâce de Dieu, on verra bien ce qui arrivera. Et puis, vous savez bien ce qui illumine ma route. Depuis que je vous ai rencontré par hasard, dans ce wagon, sous ce réverbère. Vous vous souvenez ? C'était il y a quelques jours à peine. J'ai l'impression de vous connaître depuis la nuit des temps. Penser à vous rend moins cruelle cette fuite dans les ténèbres d'automne. Bonjour, Masha Makeyev. Bonjour, Adèle Van Red. Merci d'être avec nous ce matin depuis chez vous. Vous êtes auteur, metteur en scène, plasticienne. Vous dirigez le Théâtre National de Marseille, à La Criée. Et la fuite de Bulgakov, c'est aussi votre histoire, non ? Oui, en quelque sorte, oui. Il est difficile de monter un spectacle pour moi s'il n'y a pas un appel, une accroche personnelle. Et là, évidemment, c'est l'exact parcours et cet exil des Russes blancs. C'est exactement le récit que j'entendais quand j'étais petite fille, quand ma grand-mère avait des hallucinations nocturnes et quand elle me racontait par bris, par fragments, ce périple-là, exactement dans cette année-là. Donc c'est vraiment ces Russes blancs avec lesquels j'ai vécu tout enfant qui m'ont imprégné, si bien que quand j'ai lu le théâtre Un été de Bulgakov, j'ai lu systématiquement tout son théâtre. Je revenais sans cesse à la fuite parce que j'avais l'impression que ces personnages-là, je les connaissais et bien sûr je les connaissais. J'avais presque envie de les prendre dans mes bras. Je connaissais leurs souffrances, leurs rêveries, dans quel temps étrange ils avaient basculé, parce que c'est comme si le monde après cette guerre civile effroyable, comme si le monde était resté en suspension et que le réel ne pouvait être que transcendé par une rêverie constante et comme une attente aussi. D'ailleurs, l'exergue l'exergue de la fuite, c'est des phrases du poète Joukovsky, c'est l'éternité paisible et lumineuse grève et le but de notre chemin, reposez-vous, au vous dont la course s'achève. Et ça, c'est exactement ce que je ressentais quand je les voyais. C'était une extrême fatigue malgré les années qui avaient passé. C'est le propre, je crois, des exilés. Et du coup, je me suis aperçue que j'étais née du côté des vaincus et que ça donnait aussi quelque chose d'irréductible par rapport à l'histoire, parce que je savais que la grande histoire pouvait fracasser, entrer un jour en cassant la porte et entrer dans ce qu'il y a de plus intime, dans la maison, dans le cœur, dans l'âme, et tout bouleverser. Donc, voilà, j'avais envie immédiatement de faire écho à, en lisant ce texte, écho à ceux que j'avais connus, qui avaient débarqué à Ajaccio, puis à Marseille, dans des vieux rafiaux, en 21. Et donc, voilà, les célébrer, comme tous les personnages que j'aime célébrer dans les spectacles, qui sont très souvent des personnages déclassés socialement. Et là, c'était le cas. Et en même temps, il y a quelque chose d'épique, il y a une épopée derrière tout ça. Je précise que les extraits de la pièce que nous allons entendre ce matin sont les extraits de votre mise en scène, Masha Makeyev, que vous avez joué à La Criée à l'automne 2017. Et on va l'entendre ce matin, on va découvrir cette pièce qui n'est pas très connue, et d'ailleurs son auteur non plus ne l'est pas beaucoup, il faut quand même le présenter avant de parler de son travail. J'ai dit que cette pièce n'avait pas pu être jouée de son vivant. Il faut dire que Mikhaïl Bulgakov va faire face à la censure à partir de cette date-là, vers 1926-27 justement, et qu'il ne pourra pas écrire comme il le voudrait, et pourtant il produit une œuvre extraordinaire. Ah oui, c'est un immense romancier, vraiment qu'on peut comparer au plus grand génie littéraire de la Russie. C'est l'équivalent pour moi littéraire de Chostakovitch. C'est quelqu'un qui invente une façon musicale d'écrire la vie, d'écrire le rêve. Et c'est immense, son œuvre. En plus, c'est un savant, c'est quelqu'un qui est absolument imprégné de culture française. Il connaît absolument bien Molière. C'est un homme de théâtre aussi. C'est un homme de théâtre qui va jusqu'à être assistant metteur en scène quand il est dans une détresse matérielle absolue. Mais c'est un poète et c'est un auteur dramatique de premier plan. C'est sans arrêt. C'est aussi comme le porte-parole d'une certaine façon à son insu. Mais c'est le porte-parole de tous ces artistes empêchés dans les années 30. Vraiment, quand le stalinisme arrive, il y a une mécanique extrêmement perverse de la censure, vraiment. Et Staline, qui est venu voir de nombreuses fois sa pièce, Le jour des tourbines, qu'il a beaucoup apprécié, tout d'un coup joue avec lui un jeu absolument pervers, puisque pour la fuite, il va l'interdire, vraiment. Et sans arrêt, Bulgakov a essayé de remonter la pièce, la mettre en répétition au Théâtre d'Or de Moscou avec Stanislavski. Et sans arrêt, on interrompt les répétitions et il part dans d'autres... il essaie de la monter dans d'autres lieux de Russie. Et chaque fois, il est empêché. Et c'est cette espèce d'épuisement et de d'extrême puissance de l'artiste empêché qui continue malgré tout, qui jusqu'au Maître et Marguerite, qu'il écrit, c'est la même époque, il écrit de la même façon, il va mourir dans les années 40, et il meurt à la fois d'une espèce de détresse matérielle, physique, il est malade, c'est des gens qui ont faim, il faut savoir, ils sont dans un dénuement absolu, déjà en raison de la guerre civile d'abord, puis après de cette persécution, et il va mourir d'une forme d'épuisement, et en même temps il y a chez lui, là aussi, et c'est pour ça qu'il aime l'exil des Russes blancs et qu'il aime raconter ça, au-delà vraiment de, on verra bien, c'est pas du tout une pièce politique en fait, ce qu'il aime c'est l'irréductibilité de l'être humain, c'est-à-dire plus l'artiste est empêché, et plus il y trouve une espèce de puissance comme ça, et plus son corps se défait. Bulgakov était un médecin, donc c'est ça qui l'intéresse comme Tchekhov. Il s'intéresse vraiment, on le verra au travers des personnages, mais et plus le corps se défait, se délite, et plus il sait que l'âme, l'esprit de l'artiste et de l'être demeure. Donc c'est quelqu'un de très puissant. Bon, en Russie, il est extrêmement célébré, extrêmement connu, bien sûr. Ici, en France... Il a été peu joué. Il y a eu une adaptation de Samuel Mabernet, bien sûr, du Maître et Marguerite, qui était très beau spectacle. Mais pour la fuite, Antoine Vitez a fait une traduction des années 70, et c'est Pierre Debauche qui l'a monté aux Amandiers à Nanterre en 73. Mm-hmm. Voilà. Mais sinon, après, c'est, il n'y a plus rien. Et pourtant, c'est une pièce, de mon point de vue, absolument majeure dans l'histoire du théâtre. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Vous avez dit que c'était pas une pièce politique, mais il y a un contexte politique indéniable, hein, puisque la fuite raconte l'épopée de Russes blancs fuyant vers la Crimée. Je précise que les Russes blancs, ce sont les Russes qui n'ont pas accepté la révolution bolchevique, on peut le dire comme ça, et qui ont dû souvent fuir d'ailleurs leur pays pour pouvoir échapper aux partisans de la révolution qui voulaient leur faire la peau. Et ce texte raconte ça aussi. Et finalement, quand vous disiez « je me suis rendu compte que j'étais du côté des perdants, des victimes », c'est que vous étiez de ce côté-là aussi, Macha Makayev, enfin votre famille. Oui, mes grands-parents et mon père sont arrivés de Russie justement par la Méditerranée avec le typhus, la malaria. Ils avaient quitté le sud de la Russie, traversé la Crimée, Sébastopol et puis la Méditerranée, et quand ils sont arrivés dans le sud de la France, voilà, ils avaient évidemment à la fois tout perdu, bon, matériellement, mais c'était aussi pour moi des récits de cette perte-là. Et mon obsession des objets, par exemple, vient de là. C'est-à-dire, qu'est-ce que, sans arrêt, je m'inquiétais, il y avait si peu de choses chez eux, et alors qu'ils avaient, ils me décrivaient ce qu'était la Russie quand ils y étaient. Et je me disais, mais au moment de partir, qu'est-ce qu'on prend comme objet? Quel est celui que l'on prend? Quel est celui que l'on laissera? Pourquoi on emporte celui-là? Et qu'est-ce qu'il va devenir? Et ce récit de la perte, il y a aussi quelque chose de surnaturel et d'une énergie spirituelle incroyable chez ces gens-là qui étaient déclassés socialement, pour qui la réalité avait été si difficile. Il se demandait, comme Séraphima à la fin de la pièce, dans le songe huit, se demande, mais est-ce qu'on n'a pas rêvé? C'était tellement dur ce qu'ils avaient traversé. Il y avait une telle dimension de la perte de la langue, de la culture, qu'il se demandait, mais est-ce qu'on n'a pas rêvé? Et cette bascule dans le rêve que je voyais dans les fantasmagories de ma grand-mère, je me suis dit que c'est espèce de fiction, de fragments de réel, qui devenait une fiction et qui surgissait comme ça, les sauvait. Oui, c'est ça. Voilà, une des choses qu'il fallait saisir, c'est la puissance poétique de ces instants comme ça, de surgissement qui faisait que la vie là réelle est absolument rétrécie et comme arrêtée en plein vol, eh bien, elle pouvait être vivable à cause d'une rêverie. Et c'est exactement ce que dit cet immense poète qui est Bulgakov. Il place la fuite aussi au travers de huit songes. Enfin, c'est une façon de se dédouaner du réel, bien sûr, de se dédouaner poétiquement, mais aussi politiquement, parce qu'après tout, si vous l'avez en face de vous, que lui dites mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors vous êtes en train d'être du côté des vaincus et pas de célébrer l'homme nouveau, l'homme rouge, etc. Qu'est-ce qui vous prend ? Il dira, mais moi c'est un rêve que je vous raconte. Oui. Je suis pas du tout là, je suis pas du tout un chroniqueur de l'histoire. Donc il nous dit que dans la fiction, il y a une puissance du rêve. Et puis comme c'est un homme de théâtre, il le dit d'ailleurs, je suis un acteur, pas un écrivain. Bon, un peu plus loin, il dit, je suis un écrivain mystique. Enfin, c'est toute l'ambivalence de cet auteur, mais il sait aussi la puissance du théâtre, la puissance de la représentation. Et là, s'il prend le rêve, il pose la question, et pour moi c'était essentiel, de comment représenter le rêve au théâtre. Eh ben, on va entendre un autre extrait pour répondre à cette question, si vous le voulez bien. On a un extrait du premier songe a ouvert cette émission. Le songe numéro 1 s'appelle « J'ai vu en rêve un monastère ». On y a découvert Golubkov, qui est le fils d'un professeur idéaliste de l'université qui s'est réfugié dans un monastère avec Séraphima, qui est une jeune femme de la bonne société pétersbourgeoise et qu'il se doit de mener jusqu'en Crimée. Dans le songe numéro 2, on présentera les personnages un peu plus précisément ensuite, mais là, on va se retrouver dans une salle d'attente du Grand Gare en Crimée. Le songe s'appelle « Mes rêves deviennent de plus en plus pénibles ». Et il faut imaginer que la salle est remplie d'officiers de l'armée blanche et sur un tabouret se trouve le général Kloudov qui attend un train qui va le mener sur des territoires un peu plus avancés en Crimée. Et on va voir l'arrivée du général Tchernota, qui va arriver avec sa maîtresse Louiska, et Serafima, qui est à ce moment-là atteinte, enfin, qui est malade du typhus. Écoutez le dialogue qui s'engage, cette fois-ci, donc, entre Kloudoff et Africanus, qui, lui, est l'archevêque, qui va jouer un rôle important. Écoutez ce dialogue. Il y a 3 heures exactement, l'ennemi a pris Yushun. Les bolcheviks sont en Crimée. C'est donc la fin. La défaite. L'heure est terrible, messieurs, devant le lâche retrait de nos alliés occidentaux et l'indigne trahison des Polonais. Nous ne pouvons à présent que nous en remettre à la divine providence. Il vous faut prier pour la Russie, monseigneur. Pourquoi ? Pourquoi, ô Dieu tout-puissant ? Nous envoyer de telles épreuves, pourquoi à nous, des enfants de l'armée du Christ? Oh, que ta croix nous protège et que l'ennemi soit terrassé par les armes que tu bénis. Pardon! Pardon de vous interrompre, monseigneur Africanus, mais je crois que vous importunez le Seigneur Dieu en pure perte. Un sacré moment qu'il nous a lâché, lui aussi. On n'avait jamais vu ça. Le golfe du Sivak, pris par les glaces en plein novembre pour que les bolcheviks traversent la mer comme sur du parquet. Mais c'est un miracle. Mais regardez, regardez, Saint-Georges en rit encore. Qu'est-ce qu'il y a ? Arrêtez ! Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de la fuite de Bulgakov ce matin en compagnie de Masha Makayev qui est avec nous depuis chez elle. Lorsque l'heure est à la défaite, vaut-il mieux se tourner vers Dieu ou vers le rêve? Au fond, c'est face à cette alternative que se trouvent les personnages dans l'extrait qu'on a entendu avec ce magnifique chant qui rappelle tout de suite l'idée qu'en tout cas ici en France, on se fait de la littérature russe et Bulgakov est fidèle à cette idée. Il y a question de l'identité russe, il y a beaucoup de questions aussi d'exil. Est-ce que le rêve est parfois préférable à la réalité, autant de problématiques qu'on retrouve dans beaucoup de littérature russe. Mais il y a une spécificité chez Bulgakov, et il me semble qu'elle passe aussi par ce questionnement. Quelle est la place ici que l'on peut accorder à la religion dans une telle situation? C'est pas juste politique, vous le disiez, c'est pas simplement onirique, il y a aussi une dimension spirituelle. Oui, une dimension spirituelle, et en même temps, c'est... La pièce est absolument traversée par un abandon terrible, qui est l'abandon des élites. Et en fait, l'archevêque Africanus va abandonner les moines dans le monastère, des moines qui l'ont accueilli. C'est-à-dire qu'on voit au travers de toute la pièce le délitement de toutes les valeurs, la distorsion. C'est-à-dire quand dans l'exil, tout se perd, tous les êtres, tous les corps sont abîmés, mais aussi toutes les valeurs sont inversées. Les femmes vont jusqu'à la prostitution, tout est abandonné, et Africanus l'évêque abandonne tout le monde. C'est-à-dire, toutes les élites se retirent petit à petit, c'est quelque chose d'assez terrifiant aussi. Parce que c'est une comédie fantastique, c'est comme Le Maître et Marguerite, je veux dire, on peut traverser les portes, on peut voler dans l'univers de Bulgakov. Et en même temps, il est impitoyable, dans ce récit-là historique. Et donc la religion, après tout, la dimension spirituelle est là, mais l'Église trahit l'Église et pusillanime, comme Golubkov, le héros, ce jeune universitaire, c'est après tout à peu près l'anagramme de Bulgakov. Et là aussi, il y a une autodérision parce que Bulgakov vient du théâtre satirique, il sait la puissance du rire aussi dans l'épreuve de la vérité. Donc là, il se moque aussi du jeune intellectuel qui pense idéaliste et qui pense transformer le monde, qui pense qu'il va sauver Séraphima, la femme qu'il aime. Il pense à sa grandeur. Et puis, il suffit de se retrouver dans le petit local des services secrets et que Tiki le menace d'une aiguille électrique. Eh bien, il est prêt à signer et il signe le document qui fera que Séraphima risque d'être condamnée à mort. Donc, la pusillanimité, la fragilité des valeurs, dans la guerre civile, tout est bouleversé. Et en même temps, comme c'est une suite de rêves, ça se répond comme, il y a quelque chose d'une rhapsodie. Tout est extrêmement écrit. Il n'y a pas un détail, un objet qui ne circule ici, que l'on retrouve là. C'est une construction psychique absolument admirable. Et voilà, donc il fallait monter ça. Donc le décor doit rendre compte aussi de la plasticité du rêve. Et c'est ça aussi qui m'a plu de montrer. Alors comment vous procédez justement en tant que metteur en scène pour essayer de travailler cette plasticité du rêve? Et pour ça, c'est à la fois... Alors ce qui est formidable, c'est que c'est une pièce en chantier, puisqu'il ne l'a jamais vue représentée, Bulgakov. Donc il nous laissait, c'est bien prétentieux, il nous laissait une pièce en travail, parce qu'il est un homme de théâtre, il sait bien que c'est au plateau qu'on invente et qu'on fixe les choses. Et donc il fallait travailler sur les 8 songes, les 8 couleurs, parce que c'est vraiment un récit, ça n'arrête pas. Il y a des coups de théâtre, il y a vraiment des histoires d'amour qui se fracassent. Enfin, ça n'arrête pas. Il y a des rebondissements tout le temps. Et donc j'ai travaillé beaucoup sur les intersongs. Je ne voulais surtout pas une succession de rêves. Je voulais que le spectateur soit dans un état hypnotique qui fasse que il passe d'un rêve à l'autre comme un dormeur qui ne se réveille pas tout à fait. Il sent bien qu'il est en train de basculer dans un autre rêve. Donc il fallait que le décor soit toujours... Alors ce sont de grandes verrières, il y a 4-5 éléments de décor qui tournent, qui bougent dans la fumée, dans les lumières que Jean Bellorini a inventées, qui sont absolument oniriques. Et ensemble, on a fait vraiment quelque chose qui est extrêmement mouvant. Parce que ce qui est beau aussi dans ce que raconte Bulgakov de cette époque-là aussi, à laquelle, parce qu'il dit « je suis un écrivain contemporain », c'est l'instabilité du monde, l'instabilité des cœurs, des sentiments. On aime et tout d'un coup on trahit. Et cette espèce de renversement perpétuel des choses, je voulais que ça se traduise plastiquement. Et donc sans arrêt, les choses se passent jusqu'au songe 8 où, après tout, Bulgakov a été, je trouvais, un peu bavard. Je pense que lui-même, il aurait coupé dans parce que moi, j'ai refait une adaptation, mais je pensais que pendant ce songe 8, qui est le dernier, devait être beaucoup plus en suspension. Et j'ai demandé à Angelin Prejlocage de faire danser les acteurs, comme s'ils se remémoraient leur vie, comme ça, comme un état de suspension avant l'absolue séparation et avant que le rêve n'éclate, ne se brise, et que même le spectateur ait le sentiment d'un réveil, comme ça. Donc c'est aussi ce théâtre que propose Bulgakov nous permet vraiment de passer dans toutes les disciplines. Évidemment, c'est traversé par Tchaïkovski, c'est traversé par Pouchkine et la Dame de Pique, parce que sans arrêt on joue le jeu de la Russie, on joue le jeu de la vie de l'autre, parce que Bieg, c'est-à-dire la fuite, c'est Bieg, et c'est aussi la course. C'est une course folle contre un monde qui s'effondre. Il court, il fuit, et le monde qui est derrière eux, le monde ancien de l'Empire russe, s'effondre derrière eux, et eux-mêmes se sauvent, mais en se sauvant, ils se perdent. Donc c'est une espèce de paradoxe magnifique, et on voit la transformation, la métamorphose. Donc il fallait que les décors, les accessoires, les costumes, il y a plus de 170 costumes, que sans arrêt tout se métamorphose, au fond comme dans un rêve où on est à la fois, on a un scénario, on est toujours un peu dans un même genre d'espace, et c'est des variations autour d'un rêve assez menaçant en fait. Parce que si ce sont 8 songes, en russe c'est des mauvais rêves, c'est des rêves très très inquiétants. Et en même temps le rire est tout le temps là, le rire, la fantaisie, l'extravagance, parce que chez Bulgakov il y a tout ça. Si, pour ceux qui ont lu Le Maître et Marguerite, sans arrêt on est dans la tragédie, et en même temps il y a des scènes d'une drôlerie absolue, parce qu'il a l'art du vaudeville. Donc il écrit des scènes de vaudeville absolue avec la rythmique du vaudeville. Tout est enlevé et puis tout explose parce que la tragédie les rattrape. Et on passe d'un rêve à l'autre. Et je pense que c'est aussi une réflexion et une métaphore de la vie de l'artiste aussi, quelle que soit l'histoire, quelles que soient les conditions historiques dans lesquelles il est. Oui. Qu'est-ce qui nous pousse en avant? Qu'est-ce que c'est que cette course folle qui nous pousse d'un livre à l'autre, d'un spectacle à l'autre, d'un film à l'autre, et toujours davantage? Et tout d'un coup, est-ce que c'est pas bien ce repos aussi? Et est-ce que ce serait pas bien aussi de se réveiller? Donc, et ce réveil, est-ce que c'est la mort seulement qu'il procure? Et en même temps, comme je vous le disais, ça fait écho chez tous les exilés. Alors moi, j'ai eu l'expérience dans ma petite enfance des Russes blancs, mais je pense que je le vois aussi de tous ceux qui ont quitté une culture, qui sont partis, qui sont déplacés. Cette espèce de suspension, c'est tellement dur ce qu'ils ont traversé que la seule solution, c'est l'enfermement dans une rêverie ou dans une fiction, si on a la chance de faire quelque chose. Un geste artistique. Et moi, je me dis en vous écoutant que ce que vous décrivez et la façon qu'a Bulgakov d'écrire et vous de l'avoir mise en scène est assez proche aussi de l'expérience que nous sommes en train de faire dans cette émission de radio. Vous êtes confinés, moi aussi, on ne se voit pas, on ne sait pas à quel moment l'autre s'arrête de parler. Il y a quelque chose d'assez onirique aussi et envers et contre tout, on essaye d'avancer et de parler de cette pièce. C'est une jolie mise en abîme. Oui, c'est vrai. On se demande où a commencé votre existence, Adèle, et si vous existez vraiment, où est-ce que vous venez d'ailleurs? Est-ce que vous n'êtes pas un peu fantomatique? Si je vous avais pas écouté si souvent sur France Culture, mais dans la radio, il y a ça. On est dans quel temps? On est dans un temps très étrange. C'est pour ça que j'aime tant la radio, et j'aime tant le travail sur le temps de chez Bulgakov. C'est-à-dire qu'il y a le grand temps historique, parce qu'il est très très précis, il a lu tous les mémoires, il a lu tant de choses. C'est un journaliste, de ce point de vue-là, vraiment avec la précision de l'enquêteur. Et en même temps, il place ça dans un temps d'une force poétique incroyable, parce que le théâtre vous le fait revivre là, tout de suite, à l'instant, très précisément. Et Bulgakov s'adresse à... Et je voulais vraiment que dans la mise en scène, il y ait ça, dans ce que je proposais au public, plastiquement, visuellement... On s'adresse vraiment aussi au corps, à la peau, à la rétine, que ce soit une expérience, bien sûr, un peu mystique et psychique, mais c'est aussi une expérience du corps. Donc c'était très important que la peinture soit là, que le mouvement perpétuel soit là du rêve, et puis l'arrachement du rêve, et la bascule dans un autre, et puis la suspension finale. Est-ce qu'on a rêvé? C'est pour ça que, aussi... j'aime beaucoup l'allusion à Armatova qui elle aussi a traversé tout ça et je lui donne un peu la parole à certains moments de... Qui est Armatova? J'ai mis la phrase « L'amour a surgi devant nous ». Armatova, c'est une immense poétesse russe, c'est le grand monument avec Tsetsaïeva, ce sont deux grandes poétesses russes de cette époque et elle dit « L'amour a surgi devant nous comme l'assassin d'une ruelle obscure ». Et nous a frappés tous les deux comme la foudre, comme le poignard. C'était très important de faire entendre ça parce que dans le spectacle sans arrêt, parce que chez Bulgakov, il y a la neige, il y a la fièvre, il y a l'orage, il y a la pluie, il y a le froid, il y a le chaud de Constantinople, brûlant. Et sans arrêt, ces personnages qui sont de plus en plus attachants et de plus en plus défaits sont confrontés à des climats terribles. Les corps sont vraiment malmenés. Ils se retrouvent dans des maisons casiers. Et ça correspondait vraiment à des fragments de récits qu'avaient les Russes blancs de temps en temps dans leur monde suspendu. Des fragments revenaient comme ça. Et dans la fuite, c'est écrit vraiment comme ça, d'une façon très rhapsodique. On n'est pas tout à fait sûr que c'est le réel. Oui. Et à l'intérieur même, dans chaque songe, il y a un rêveur. Parce que c'est écrit, voilà, il y a une mise en abîme, c'est écrit d'une façon prodigieusement savante et en même temps, c'est une écriture de plateau qu'il propose. Alors, on va retourner sur le plateau, justement. On va plonger au cœur du songe 5. Nous sommes à l'été 1921 à Constantinople et vous allez entendre notamment un dialogue entre Louiska, Tcharnota, qui est le général de brigade dans l'armée blanche, et ensuite Serafima, que vous allez retrouver. Et vous allez entendre la façon qu'ont ces deux femmes de choisir deux options différentes pour se venir en aide à elle-même, mais aussi à Charnota qui souffre d'une chose, à savoir qu'il joue et il a perdu tout son argent au jeu. Ça, c'est un thème que l'on retrouve souvent dans la littérature russe. Voici donc l'extrait. Demain, les Grecs vont nous foutre dehors, on a tout vendu, il n'y a plus rien à bouffer. Et je peux pas me calmer, voilà. Je peux pas me calmer. C'est lui qui me pousse à bout. À vous. T'as tout perdu au jeu? Oui. Pauvre type! Mais mets-toi à ma place! Je peux pas faire vendeur de jouets! Je suis un soldat. Laisse Lyuska, calme-toi. Un peu plus, un peu moins, qu'est-ce que ça peut nous faire? Un destin mauvais nous emporte. Oh, le lyrisme, à présent... Alors, t'es allé avec le français? Fous-moi la paix. Du calme, arrêtez de vous disputer. Je vais vous rapporter de quoi dîner. Laisse tomber. Sima, laisse tomber. T'occupe pas des affaires des autres. Pas mal. Je peux pas, moi, rester comme ça ici à crever de faim. Ouais. Moi, j'ai pas de principe, moi. Pas question que je vive un parasite. J'ai faim, moi aussi. Je verrai ce que tu fais pour gagner de l'argent et je resterai là sans bouger. Quelle bassesse. Tu aurais dû tout me dire, Lyuska. On partage le malheur et le reste. Charlotte n'a qu'à vendre son revolver. Plutôt vendre mon pantalon. Je vendrai tout Serafima, mais pas mon revolver. Sans lui, je peux pas vivre. Évidemment, il te tient lieu de cervelle. Oh, c'est tellement plus simple de se faire entretenir par sa petite femme. Ne me provoque pas! Ose me toucher, et cette nuit, je t'empoisonne! Arrêtez de vous battre, tous les deux. Je vous ai dit que vous aurez de quoi dîner. C'est la faim qui vous rend sauvage. Oh, non, mais qu'est-ce que tu vas inventer, pauvre idiote? Je suis plus une idiote. Je l'ai été, ça oui. Quelle importance est-ce qu'on vend? C'est si peu de choses. Attendez-moi. Chut. Et sans vous battre, par pitié. Serafima! Oh, Sima! Serafima! Cette ville infecte. Ces punaises, ce Bosphore. Et toi, là? Et toi? Je te déteste. Moi aussi, je me déteste. Et puis, de toute façon, je déteste tout le monde. Et tous les Russes et tous les exilés. Je les déteste. Je déteste tout le monde. Oh! Oh! Partir, partir, partir, partir! Mais où? À Paris? À Berlin? Ou alors Madrid? Je connais pas Madrid. Je parierais bien que c'est un trou. Partir, partir, mais où? C'est bien la question. Hein. Et d'ailleurs, il existe une lettre de Bulgakov qu'il adresse directement à Staline et qui lui demande d'être exilé de manière à pouvoir continuer à faire son théâtre. C'est quelque chose d'assez incroyable, Macha Makeyev. Ah oui, il écrit plusieurs lettres à Staline dans les années 30 et c'est assez bouleversant de voir ce mélange de fascination pour le pouvoir qu'il a, pour cet homme qu'il voudrait absolument toucher, transformer et en même temps, une espèce d'immense candeur, parce que ce qu'il écrit à Staline, c'est incroyable. Il fait état vraiment de sa détresse matérielle. Il lui dit « Je suis surmené, mais mes forces m'ont trahi ». Il parle de sa souffrance, de ses accès de peur quand il est et de solitude, et il demande sans cesse de vouloir partir. Il dit « Puisque je ne suis pas aimé, je suis détesté », parce que la presse, évidemment, l'accable, enfin, il est profondément persécuté. Eh bien, il veut partir. Et et sans arrêt, il attend sans cesse son visa qu'il n'obtient jamais jusqu'au jour du 18 avril 1930, où Staline lui-même lui téléphone chez lui et lui dit « Alors, il paraît que vous voudriez partir, Bulgakov ?» Et là, Bulgakov sent bien que c'est très très dangereux parce que tous ses amis ont certains de ses amis ont été poussés au suicide ou ont été déportés. Donc lui, il dit non, mais pour un écrivain russe, c'est très difficile de quitter la Russie, n'est-ce pas? Mais alors au moins, donnez-moi quelque chose pour survivre, parce que tout ce qu'il entreprend, évidemment, est empêché. Et donc il se retrouvera assistant à la mise en scène au théâtre d'art. Il n'y restera pas longtemps. Il quittera aussi le comité des écrivains parce qu'il ne veut pas trahir ceux qu'on a exclus. C'est aussi un homme extrêmement libre, un artiste très très puissant de ce point de vue-là. Et là aussi, lui, il y a quelque chose d'irréductible. Et j'aime beaucoup cette façon qu'il a de parler directement à Staline et de lui d'essayer de transformer les choses. Et bien sûr qu'il est nourri aussi de la relation entre Molière et Louis XIV. Il sait très bien, il a conscience de tout ça. Il sait très bien que c'est là que se joue aussi la liberté de l'artiste, en fait. Et en même temps, il sait très bien que c'est perdu d'avance. Enfin, c'est un auteur d'une profondeur incroyable et très prophétique. C'est comme s'il allait vers son destin en le voyant avant tout autre. Enfin, il est visionnaire, il le sait, et pourtant il dit les choses. Il ne cesse de dénoncer l'empêchement, il ne cesse de dénoncer l'absurdité de tous ces règlements et de toute cette bêtise qu'il dénonce à vouloir célébrer l'homme nouveau et à vouloir couper le monde en deux. Et de ce point de vue-là, il rejoint Tsvetaïeva aussi, ce sont des grands auteurs, des grands poètes qui sont bien au-delà du rouge et du blanc. Ils sont bien au-delà. Il dit simplement que dans la guerre civile, dans cette entre-dévoration, c'est la monstruosité qui est là. Et c'est quelque chose qui va être irréparable. Et ça, on l'entend bien dans l'extrait qu'on vient d'entendre, justement, l'extrait du Songe 5, la monstruosité qui s'installe et les limites qui sont brouillées. Effectivement, on est au-delà de toute forme de manichéisme. Serafima vend son corps pour gagner un peu d'argent et elle semble très bien le vivre. Quant à l'inverse, Charnota refuse d'être un vendeur de jouets et donc préfère jouer tout court, ce qui est sans doute encore plus terrible pour lui. Il y a une sorte de renversement perpétuel, de métamorphose des personnages au-delà de toute morale. Oui, et puis on verra que Serafima retrouvera son grand amour Golubkov, et puis qu'ils rentreront en Russie quitte à mourir, que Kloudov se suicidera, que la belle Liuska, eh bien, va arriver jusqu'à Paris et se mettre en ménage avec le traître, le vice-ministre qui lui a profité, qui est le profiteur. Il a profité de la guerre civile pour s'enrichir et prendre son capital et l'emmener en France. Enfin, et sans arrêt, ça, dans cette course folle, il y a aussi un vaudeville, il y a aussi, bien sûr, le basculement des valeurs, mais il y a aussi des mouvements du théâtre et c'est très très réjouissant aussi. Dans cette tragédie, on rit vraiment. Donc c'est important, cette dimension du rire, de ce rire qui dénonciateur aussi, et ce rire de la liberté et de l'autodérision et de savoir que c'est presque... Il a quelque chose de mystique. C'est aussi une énergie spirituelle, le rire, chez Bulgakov. Et c'est ça qui me bouleverse. Alors justement, oui, sur ce rire chez Bulgakov, parce qu'on parle beaucoup en France, en tout cas, du rire de Molière, c'est aussi le titre d'un ouvrage, c'est un rire qui pense, et vous qui avez aussi mis en scène Molière, d'ailleurs, Les Femmes Savantes, quelle différence entre le rire de Bulgakov et le rire de Molière, par exemple, sur scène? Il y a quelque chose dans la mécanique de très proche. Comme je vous disais... Il a écrit le roman de Monsieur de Molière, il connaît tout de Molière. Évidemment, toutes ses pièces, tout, toute sa vie, tout ce qu'il pouvait savoir, il le sait. Et ce qui l'intéresse, et moi, c'est exactement à cet endroit qu'il me plaît de mettre le doigt dans Molière, j'en prépare un, c'est l'ambivalence des personnages. Ils ne sont pas ce qu'ils disent, ils sont entre ce qu'ils disent. Et sans arrêt, il y a la part de la rêverie ou de leur cynisme ou de leur fragilité qui n'est pas dite forcément dans les mots, mais qui est juste derrière, qui est au hasard d'un geste. Et des hommes c'était des acteurs, donc ils savaient très bien que le geste était au moins aussi éloquent que la parole, même si c'est très bien écrit chez l'un comme chez l'autre. Et donc là-dessus, ils sont exactement à la même école. Au moment où ça va basculer dans une tragédie, le rire est là Parce que c'est une énergie, le rire. Et c'est pas uniquement, c'est pas uniquement pour quelque chose de farcesque. Et même si ça a la mécanique de la farce, il y a toujours une très grande profondeur derrière. Parce qu'il y a la fragilité de l'être humain. Et quand l'être est fragilisé, il est tout proche du monstre. Et chez Molière, c'est la même chose. Évidemment que si la mise en scène de Molière, c'est la mise en scène de ce qui est dit, on va pas très loin. Hein. On aplatit tout et on fait quelque chose d'assez propre, enfin de très très scolaire et très très propre sur soi. Non, chez Molière, il y a une ambiguïté, une ambivalence partout chez chaque personnage. Il y a une noirceur chez chaque personnage et pourtant on rit. Et c'est le génie de l'un et de l'autre se situe là. Et c'est très délicat de trouver... Dans le rire. Dans le rire, et ce rire vient du corps, très souvent. La mécanique du texte, bien sûr, mais ce sont des... C'est très incarné, voilà. Bulgakov était médecin, Molière est absolument obsédé par le corps, c'est le grand sujet de son époque, hein. Donc, il en dit quelque chose de ce corps qui est là, comme un... Qu'est-ce qu'on en fait? Donc c'est un, ils se rencontrent à des endroits formidables. Et d'ailleurs, moi, en vous parlant, je me dis après tout, oui, c'est vrai, j'ai monté à Molière, puis Bulgakov, puis après j'ai basculé dans Lewis Carroll pour continuer le travail sur la rêverie et sur l'ambivalence aussi, et sur le cauchemar aussi, et sur l'enfance abîmée aussi. Et puis je reviens prochainement à Molière encore. Je pense que tout ça. Et le même, pour prendre un titre magnifique de Bulgakov, c'est un roman théâtral. Je crois que nous qui mettons en scène, si on a vraiment une accroche personnelle et si on dit quelque chose de soi-même et de très contemporain, je pense qu'on fait, comme dirait Bulgakov, son roman théâtral très modestement, par le choix des œuvres. Moi, très longtemps, j'ai monté des pièces, j'ai écrit des pièces où le texte était vraiment pas plus important que le bruit, pas plus important que le visuel, ni que les objets. Mais prendre des textes, c'est encore raconter des choses extrêmement intimes et très, très plastiques. Pour moi, c'est très important que même si un spectateur entrait dans la salle et qu'il n'entende rien à notre langue, il y trouve encore son compte d'un spectacle. De situations visuelles, ça m'apporte beaucoup, ça. Et après, il y a la beauté du texte. On cite ces trois auteurs-là, qui écrivent admirablement, à des endroits différents, mais le théâtre, c'est autre chose que le texte, c'est au-delà du texte. Alors, comment l'oubli de soi auquel aspirent tous les personnages de la fuite peut être soluble sans doute dans l'amour du jeu, J-E-U, on l'a entendu un peu dans l'extrait précédent, on va l'entendre dans ce dernier extrait. Le jeu me passionne, hein, c'est la première phrase de la Dame de Pique de Pushkin. Je vous le disais, cette thématique va traverser tout le 19e siècle dans la littérature russe. On a le joueur de Dostoïevski, les joueurs de Gogol. Et dans la fuite, donc on a ce personnage de Kourzoukhin qui va essayer de forcer le destin et de sortir de sa condition. Et la place du jeu, cet amour du jeu est à la fois destructeur et peut-être salvateur. On écoute ce dernier extrait ensemble, Macha Makeyev. Voilà pourquoi, monsieur Golubkov, vous n'insisterez pas pour que je remette au premier venu que vous êtes une liasse de $1,000. Non, en effet, monsieur, je n'insisterai pas. Mais permettez-moi de vous dire, monsieur, avant de partir, que vous êtes un homme sans cœur et l'être le plus ignoble qu'il m'ait été donné de rencontrer dans ma vie. Vous serez puni tôt ou tard. C'est écrit. Adieu. Général Charlotta ! Oh ben c'est la journée des Russes ! Faites entrer, Antoine, faites entrer ! Proxime, proxime. Salut, Kourzoukhin ! Mon ami ! Mon petit paramon ! Mon paramochka, à moi ! Bah, nous nous serions déjà rencontrés ! Ah, voilà une question. Tu rêves, paramon ? Et Sébastopol ? Alors ? Ah oui ! Ah oui, ravi de vous voir. Excusez-moi, mais c'est au cours d'une soirée arrosée que... Une soirée? Je ne vois pas. Mais si on s'est rencontrés, on a dû boire. Ah bah vous êtes venu jusqu'ici en caleçon? Ça t'étonne? Note que je ne suis pas une femme. Ce serait indécent chez une femme. Mais quoi? Vous? Vous êtes général? Et vous vous êtes promené dans cette tenue dans les rues de Paris? Eh oui. J'ai pas attendu d'être chez toi pour retirer mon pantalon. La question est idiote. Pardon. Pardon, en effet. Ah, mais c'est qui celui-là? Arthur Arthurovitch, roi des cafards. Alors, il a casqué? Non, je m'en vais. Sortons pour aller où? Qu'est-ce qui se passe? Paramone! Tes compatriotes sont là, devant toi. Ils ont combattu les bolcheviks pour toi et tu leur refuserais une somme insignifiante? Tu as bien saisi que Séraphima crève de faim à Constantinople? Tais-toi, Grigori, pardon. Tu sais, Korsoukine, je suis un sale type. Je pourrais m'enrôler chez les bolcheviks juste pour te faire fusiller. Juste pour ça. Après, je repasse du côté des blancs. Attends. Ce sont des cartes que je vois. Tu es joueur? Rien d'étonnant, je joue et j'aime ça. Tu es joueur, tu joues à quoi? Au 9 gagnant. Figure-toi. Oui, papa, parce que j'aime ça. Alors, on fait une petite partie? Oh ben ça serait avec plaisir. Il y a quelque chose de complètement burlesque dans ce qu'on vient d'entendre, Macha Makeyev, puisqu'on se demande de quoi les personnages parlent. Il y en a qui arrivent en caleçon et l'autre vêtu d'un long manteau rouge. Et finalement, ils parlent pas vraiment d'argent, mais ils en parlent quand même. Et tout d'un coup, le jeu fait irruption. Ils ont l'air de faire croire que c'est une partie de plaisir, alors qu'en fait, c'est quasiment, enfin, c'est une vraie maladie. Tout est formulé à l'envers, en fait, dans cet extrait. Oui, en fait, ils arrivent chez Korsoukine pour récupérer de l'argent, donc ils vont jouer pour pouvoir sauver Séraphima qui est près de la prostitution et qui est abandonnée en Russie. Donc ils veulent récupérer l'argent de la Russie, en fait, après tout. Mais ce qui est assez beau, c'est cette idée du jeu comme idée de la fatalité, c'est-à-dire ce qui intéresse Bulgakov et moi ce qui me passionne, c'est l'idée du destin. C'est-à-dire que le jeu, c'est ça, c'est le destin qui s'arrête. Et là, toute la pièce est aussi traversée par la course des cafards. C'est-à-dire quand ils n'ont plus rien, quand ils sont à Constantinople, cette petite troupe de Russes blancs, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent encore, ils jouent ce qu'il leur reste vraiment, la petite misère qu'il leur reste, ils jouent encore avec des cafards. Et c'est sans arrêt. C'est vraiment que Bulgakov s'en amuse, mais il y a quelque chose d'extrêmement profond. Qu'est-ce que c'est que ce destin? Et pourquoi avoir affaire au jeu? Parce que tout est devenu si mouvant, indécis, si contingent. Et il y a une telle solitude dans leur vie qu'après tout, ça correspond exactement à la solitude du joueur qui, en posant une carte, fait basculer son destin. C'est aussi une façon de reprendre en main son destin. Ou de le livrer au hasard, parce que qui dit jeu dit hasard. Ah oui, mais ça, c'est quelque chose... Et dans le mot biais, il y a quelque chose aussi de cette course dans ce sens qu'on peut gagner et qu'on peut perdre. Donc, c'est quelque chose, évidemment, qui relie Bulgakov à tous les grands auteurs russes et qui nous bouleverse parce que, enfin moi c'est un endroit de la vie, comment se révèle le destin qui me plaît et en même temps le jeu c'est le théâtre, l'acteur qui entre en scène il joue son destin aussi, il joue sa vie, il joue une autre vie, la vie d'un autre et du coup il joue la sienne aussi. Il y a quelque chose d'un effet de miroir magnifique et après tout aussi ça n'était qu'un jeu. Ça n'était qu'un rêve. Toute notre existence qui a été fracassée, c'était un rêve, c'était quelques cartes en main qu'on a jetées sur la table. C'était ça, notre vie. Et la pièce nous met en face de cela. Et c'est pour ça que c'est du grand théâtre de ce point de vue-là. Là, on entend un vaudeville qui va très vite et très loin, ça s'emballe, en plus ils boivent, donc ils sont dans une espèce de double ivresse, celle du jeu et celle de l'alcool. Mais derrière ce vaudeville, on va à l'essentiel, vraiment à quelque chose de quasi mystique aussi. C'est la puissance de cet auteur dramatique. Et c'est la puissance de cet auteur dramatique parce que c'est aussi quelqu'un qui était sur scène, c'est quelqu'un qui était drôle, c'est quelqu'un qui savait jouer. C'était un pantomime magnifique. Et Bulgakov, c'est ça, c'est le génie littéraire et c'est l'acteur de base, comme ça, sur le plateau, sur les tréteaux. Cette pièce est pour moi... vraiment d'une importance incroyable dans l'histoire du théâtre. Il faut vraiment la redécouvrir. C'est pour ça que je suis très contente, parce qu'on va la reprendre aussi, et puis parce que on va l'enregistrer pour France Culture. Et c'est aussi une dernière chose que je voulais vous dire, Adèle, c'est que c'est aussi du théâtre de troupe, le théâtre russe. Et pour ça, pour avoir cette puissance de la troupe, il faut jouer ensemble, il faut aussi faire de la musique ensemble, il faut chanter ensemble, et surtout, il faut avoir une distribution extrêmement brillante. Parce que chacun de mes acteurs dans la troupe ont au moins 3, 4, 5 rôles. Ils changent derrière, oui. En coulisses, il y a la folie des objets, des accessoires avec des régisseurs extrêmement virtuoses. On a des habilleuses extrêmement virtuoses parce qu'ils changent quelquefois 10, 12 fois de costume en une minute et rentrent en scène. Il y a aussi pour nous ce jeu-là, parce qu'il faut pas se tromper. Là. Si on met la mauvaise carte à un moment donné, tout se désorganise. Et ce théâtre-là était un théâtre à risque. Et c'est pour ça qu'on est très exaltés comme quand les émissions joue. De radio, vous savez. Et c'est aussi une affaire de trou. Oui. Je vous remercie en tout cas beaucoup, Masha Makiev, d'être venue nous parler de La Fille de Bulgakov ce matin, en espérant que cette émission ne fut pas qu'un rêve. Et quand bien même ça le serait, peut-être que ça aurait de nouvelles vertus. Mm-hmm. À bientôt. À bientôt, Adèle. Au revoir. Écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. En avril dernier, le sociologue Bernard Lahire ouvrait sa banque de rêves. L'auteur de l'interprétation sociologique des rêves, dont le deuxième tome paraîtra en janvier 2021 aux éditions La Découverte, invitait les rêveurs à déposer dans sa boîte mail leur récit nocturne en pleine pandémie, qu'ils aient un lien ou non avec celle-ci. Dommage pour moi, je n'ai pas rêvé une seule fois depuis le 16 mars. Je n'en ai en tout cas aucun souvenir. Mon inconscient se serait-il lui aussi confiné ? Madame rêve d'atomise et de cylindres si longs. Qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve. Durant le confinement et encore maintenant, l'un des sujets qui est revenu le plus parmi mes proches est celui des rêves. À quoi tu rêves en ce moment ? Moi, j'ai fait un rêve de fou cette nuit. La population en cette période de pandémie a semblé, de ce point de vue, se diviser en deux catégories. Ceux dont l'inconscient s'est déchaîné pendant le sommeil et ceux dont il a paru lui-même mis en pause. Je fais partie de cette seconde catégorie. Je n'ai fait aucun rêve remarquable, même pas des rêves banals avec mon père ou ma mère. Toutefois, je n'en ai pas déduit que je n'avais plus d'inconscient, juste que celui-ci remplissait parfaitement sa définition littérale de ne pas être conscient, de ne pas se manifester, d'être proprement inconscient. Pourtant, je n'ai pas cessé de penser à lui. Pourquoi n'ai-je rien à raconter, moi? Pourquoi ne se manifeste-t-il pas à base de condensation, d'ex et de maman? Où se cache-t-il? Que lui arrive-t-il? Applique-t-il lui aussi les gestes barrières en repli dans ma tête bien au chaud chez lui? Paradoxalement, durant cette crise, je n'ai donc jamais autant mis ma conscience au service de mon inconscient, me demandant régulièrement où j'en étais au niveau psychique. Ce n'est plus mon inconscient qui me hantait consciemment, mais ma conscience qui est partie délibérément à sa recherche. J'avais comme perdu un compagnon que je voulais faire exister. Et ça a été mon problème, retrouver mon inconscient. C'est une histoire de rêve. Non ? Si, c'est un rêve qui raconte un rêve. En rêve. Madame rêve, ad libitum, comme si c'était tout comme dans les prières. Qui emprisonne et vous libère. Où es-tu donc passé, mon inconscient, depuis cette nuit du 16 mars ? Je suis sûre que mon psy, Freud et Lacan, auraient la réponse. Bien sûr qu'il est là, il n'est pas parti, il ne se montre plus tout à fait de la même manière. D'accord, c'est vrai. C'est vrai que depuis le 16 mars, je ne rêve peut-être plus, mais je pense toujours à la même chose. Deux, trois souvenirs, toujours les mêmes, me reviennent en mémoire. Pas des souvenirs très lointains de l'enfance, pas des souvenirs beaux, touchants ou traumatisants. Par exemple, je repense souvent à cette connaissance croisée un été dans les rues de Sainte. De cette connaissance, je ne sais plus rien. Je ne me souviens même plus de son visage, juste de la rue et du soleil. Et puis, je pense souvent au frère de cette connaissance, que pour le coup, je n'ai jamais connu, mais qui, paraît-il selon les ragots d'une petite ville comme Sainte, ne va pas très bien. Mais je ne sais pas pourquoi, je pense à cette fratrie bizarre et inégale. Voilà pour l'exemple. J'ai en tête des choses sans qualité, remplies de rien et ressassant pourtant tout ça. Entre mes rêves et ces souvenirs, rien de remarquable. Mon inconscient aurait-il perdu de sa matière? Pire que confiné, se serait-il réduit à peau de chagrin? Est-ce possible? Ce n'est pas là une critique intellectuelle, car j'adhère pleinement à la théorie freudienne. Je crois à mort en l'inconscient. Pourtant, je dois le reconnaître, c'est mon inconscient qui, lui, ne semble plus adhérer à moi. Plus qu'un compagnon, aurais-je en fait perdu une partie de moi? Dans une interview expliquant son appel aux rêveurs, le sociologue Bernard Lehir déclare, je cite, que « l'étude du rêve donne accès à une certaine vérité du sujet rêvant qui fait travailler chaque nuit ses préoccupations les plus fortes dans l'existence ». Et d'ajouter « la sociologie des rêves est une sociologie des préoccupations ou des soucis, des obsessions parfois, qui travaillent les rêveurs et rêveuses ». Sans rêve, ni acte manqué ou autre, ne serais-je travaillé par rien en ce moment ? N'aurais-je plus aucun souci, ni préoccupation, ni obsession ? Au bout de quelques semaines, ce que je déplorais comme une perte m'est alors apparu comme un moment de calme. Et si l'inconscient qui ne travaille plus n'était pas perdu pour moi, mais au contraire, une redécouverte de soi, enfin débarrassé, au moins pour un temps, de ses soucis, de ses préoccupations et de ses obsessions ? Serait-ce donc possible d'être un individu social sans soucis ? Eh bien, je crois que je vais le demander directement à Bernard Lehir. Je suis sûre que d'ici là, j'aurai rêvé de lui. Silence, on rêve. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour, confinement ou pas, à préparer ces émissions. Aujourd'hui, Isis Jourda avec Clara De Giovanni, Manon de la Selle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert. C'est Thomas Beau qui a réalisé cette émission. La prise de son aujourd'hui, c'était Alexandre Dang. Merci au CDM de Radio France qui a assuré la liaison. On se retrouve demain pour un Profession Philosophe. Ce sera l'occasion de redécouvrir l'émission enregistrée avec Claudine Tiercelin, initialement diffusée le 9 novembre 2018. D'ici là, sachez que vous pouvez, comme toujours, réécouter cette émission et toute cette série autour du théâtre et des metteurs en scène. Vous pouvez l'écouter en ligne sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie, mais vous pouvez aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe des Chemins vous attend également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On est toujours ravis de lire vos remarques et vos commentaires. On se retrouve demain à 10h donc. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.